Livre sixième, chapitre 5. Fin de l'histoire de la galette. La Esmeralda pâlit et descendit du pilori en chancelant. La voix de la recluse la poursuivit encore. « Descends, descends, larronnesse d'Égypte, tu y remonteras. »« La sachette est dans ses lubies, » dit le peuple en murmurant, et il n'en fut rien de plus, car ces sortes de femmes étaient redoutées, ce qui les faisait sacrées. On ne s'attaquait pas volontiers alors à qui prier jour et nuit. L'heure était venue de remmener Quasimodo. On le détacha, et la foule se dispersa. Près du grand pont, Mahiette, qui s'en revenait avec ses deux compagnes, s'arrêta brusquement. « À propos, Eustache, qu'as-tu fait de la galette ?»« Mère, dit l'enfant, pendant que vous parliez avec cette dame qui était dans le trou, il y avait un gros chien qui a mordu dans ma galette. Alors j'en ai mangé aussi. »« Comment, monsieur ? » reprit-elle. « Vous avez tout mangé ?»« Mère, c'est le chien. Je lui ai dit, il ne m'a pas écouté. Alors j'ai mordu aussi, tiens. »« C'est un enfant terrible, » dit la mère souriante et grondant à la fois. « Voyez-vous, Oudarde, il mange déjà à lui seul tout le cerisier de notre clos de Charlemagne. Aussi son grand-père dit que ce sera un capitaine. »« Que je vous y reprenne, monsieur Eustache. » « Va. » Gros lion.